Anamalai Swami, la corde et le serpent. Extrait choisi. La réalisation du soi et la reconnaissance de ce qui est réel et vrai, ainsi que l'abandon des fausses idées concernant la réalité et la substantialité de cette ombre éphémère que vous nommez mental. Le substrat sur lequel la fausse idée du mental a été superposée, c'est le soi. Lorsque vous voyez le mental, vous ne voyez pas le soi, le substrat sous-jacent, qui est caché par une idée trompeuse, mais tenace. Et inversement, lorsque le soi est vu, il n'y a pas de mental. Seule la conscience existe. Soyez absolument certain que ceci est la vérité, et cette conviction profonde finira par devenir votre propre expérience. Seule la conscience existe signifie que tout ce qui existe n'est que conscience. Ne l'oubliez pas, et ne vous autorisez pas à penser qu'autre chose puisse être réel. Si vous échouez en accordant un tant soit peu de réalité au mental, sa fausseté deviendra votre propre réalité. Une fois que s'est produite cette première fausse identification en se disant « je suis le mental est réel », alors les problèmes et les souffrances se manifestent. Le soi ne se cache pas derrière un rideau. C'est vous qui l'avez voilé en adhérant à des idées qui ne sont pas correctes. Si le rideau s'ouvre puis se referme, cela signifie que vous nourrissez encore de fausses idées. Lorsque vous les aurez entièrement éradiquées, elles ne referont plus surface, mais tant qu'elles recouvriront le soi, vous aurez besoin de poursuivre sans répit votre pratique spirituelle, votre sadhana. Pour réaliser le soi, vous devez fournir un effort considérable. C'est très facile de s'arrêter en chemin et de retomber dans l'ignorance. Cela peut arriver à n'importe quel moment. La première fois que vous atteignez le sommet, vous devez faire un gros effort de volonté pour vous y maintenir, mais le moment où vous serez définitivement ancré dans le soi finira par venir. Lorsque cela se produira, vous ne pourrez plus rechuter. Vous aurez atteint votre destination et tout effort sera désormais superflu. En attendant, une sadhana constante est requise. Ramana Maharshi disait souvent « Le gourou incarné est le guide extérieur. Il vous dit ce qu'il faut faire et vous pousse vers le soi. Simultanément, le gourou intérieur, le soi intime, vous attire à lui. » La non-dualité est la jnana, la sagesse, et la dualité, le samsara. Lorsque vous parvenez à dépasser la dualité, seul Brahman demeure, et vous savez alors que vous êtes ce Brahman. Mais pour faire cette découverte, il est nécessaire de méditer continuellement. Ne réservez pas certains moments particuliers pour la méditation. Ne la considérez pas comme quelque chose qui se pratique assis, les yeux fermés. Elle doit être continue, en mangeant, en marchant et même en parlant. Elle doit se poursuivre tout le temps. Bien qu'on ait besoin du corps pour accomplir une sadhana, on ne doit pas s'y identifier. Nous devrions en faire bon usage et en prendre soin, sans toutefois y faire trop attention. L'investigation du soi est le processus grâce auquel l'attention est dirigée vers le substrat plutôt que vers les noms et les formes qui lui sont habituellement imposés. Le soi est le substrat à partir duquel toute chose semble se manifester, et le jnani est celui qui est constamment présent au substrat réel. Il ne fait jamais l'erreur de croire que les noms et les formes perçus par les sens ont une existence réelle. Tout ce que nous percevons est maya, un rêve dépourvu de réalité. Mais nous ne devrions pas en déduire, puisque tout est irréel, je peux faire ce que je veux. Dans le rêve, il existe des conséquences pour les mauvaises actions commises en rêve, et tant que vous prendrez le rêve pour la réalité, vous supporterez les conséquences de votre mauvaise conduite. Ne faites pas le mal et soyez sans haine. Considérez tout avec équanimité. L'ignorance est l'ignorance du soi, et pour la supprimer, la présence au soi est requise. Lorsque vous parvenez à avoir conscience du soi, l'ignorance disparaît. Si vous gardez le contact avec le soi, elle ne peut jamais se manifester. Il n'y a pas de bonheur dans la séparation. Tant que le jiva demeure un être séparé, il ne connaît ni bonheur, ni contentement, ni paix. L'être séparé vient du soi. C'est là qu'il doit retourner et disparaître. Alors seulement y aura-t-il la paix éternelle. Certains jnanis sont silencieux, d'autres parlent beaucoup. Certains agissent dans le monde, d'autres s'en retirent. Certains deviennent des enseignants tandis que d'autres sont heureux de rester cachés. Certains se conduisent comme des saints, d'autres, au contraire, comme des fous. On peut trouver la même paix en présence de tous ces êtres, puisque cette paix n'est pas affectée par les types de comportements. Mais peut-être n'existe-t-il aucun autre point commun. Tout ce que nous voyons dans cet état de veille est un rêve. Ces rêves sont nos pensées rendues manifestes. Les mauvaises pensées donnent de mauvais rêves, et les bonnes, de bons rêves. Et si vous n'avez aucune pensée, vous ne rêvez pas du tout. Mais même s'il vous arrive de rêver, vous devez comprendre que votre rêve est aussi le soi. vous n'avez pas besoin de réprimer les pensées, ni d'être vide de pensées pour être et demeurer en tant que le soi. L'état de veille que vous prenez pour réel n'est que le déroulement d'un rêve qui vous est apparu et s'est manifesté devant vous en raison de peur ou de désirs cachés. Vos vasanas bourgeonnent et prolifèrent miraculeusement, créant pour vous tout un monde de rêves éveillés. Sachez qu'il s'agit d'un rêve. Reconnaissez qu'il n'est que le prolongement de vos pensées. Ne perdez pas de vue le soi, le substrat sur lequel est projeté ce rêve immense et convaincant. Si vous vous accrochez à la connaissance « Je suis le soi », vous saurez que les rêves sont aussi le soi et vous ne vous laisserez plus vous y empêtrer. La sadhana est un champ de bataille. Vous devez être vigilant. N'acceptez aucune fausse croyance et ne vous identifiez pas aux pensées qui arrivent et vous causeront peines et souffrances. Mais si ce processus s'enclenche en vous, défendez-vous en affirmant « Je suis le soi, je suis le soi, je suis le soi ». Ces allégations réduiront la puissance des flèches « Je suis le corps » et finiront par vous cuirasser si efficacement que ces pensées dont vous êtes la cible n'auront plus la force de vous atteindre, ni de vous affecter, ni de vous faire souffrir. Lorsque je vous dis d'arrêter de vous identifier à l'idée « je suis le corps », je ne veux pas dire que vous n'êtes pas le corps, mais que vous devez abandonner l'idée que vous n'êtes que le corps. Vous êtes tous les corps, toutes les choses, toute la création. Mais paradoxalement, cette connaissance ne viendra à vous que lorsque vous cesserez de vous identifier à des objets particuliers tels que « Je suis le corps » et à des pensées restrictives comme « Je suis un tel ou une telle ». Quand vous aurez renoncé à toute pensée, à toute identification, la vraie connaissance surgira soudain en vous. Je suis le soi non manifesté et je suis aussi la manifestation tout entière. Vous vivez dans la lumière du soi lorsque vous avez rejeté toutes les idées, les bonnes comme les mauvaises. À chaque instant, vous n'avez qu'un seul véritable choix, être présent au soi ou bien vous identifier au corps et au mental. Si vous choisissez cette dernière option, n'allez pas blâmer Dieu, sa volonté ou la prédestination. Ce n'est pas Dieu qui vous a fait oublier le soi. Vous et vous seul faites ce choix à chaque seconde de votre existence. Le soi est toujours présent. Rien ne vous empêche d'être présent au soi, si ce n'est l'ignorance imposée par vous-même. Nos efforts, notre sadhana, visent à supprimer cette ignorance. Lorsqu'elle disparaît, le vrai soi se révèle. Cette révélation ne fait pas partie du destin. Il n'y a que les activités extérieures du corps qui soient prédestinées. Il est inutile de vous préoccuper des événements extérieurs de votre vie, car vous ne pouvez exercer aucun contrôle sur ces activités prédestinées. Dans cette vie, votre responsabilité consiste à découvrir qui vous êtes, et non à réécrire le scénario de votre histoire. Les pensées qui vont et viennent ne sont pas vous. Tout ce qui va et vient n'est pas vous. Votre réalité est la paix. Si vous ne l'oubliez pas, cela suffit. Quand vous barattez la crème pour séparer le beurre du bas-beurre, une fois dissociés, ils ne se mélangeront plus. Le lait, que vous trayez du pis de la vache, ne retournera plus dans les mamelles. De la même manière, une fois établi dans le soi, vous ne retomberez plus jamais dans l'ignorance. Par la question « Qui suis-je ?», Bhagavan nous a appris à voir l'univers entier comme un rêve. Quand viendra la réalisation, rien ne vous affectera plus, car vous saurez avec une certitude absolue que toute manifestation n'est qu'un rêve sans réalité. Ne faites pas de différence entre le travail et la méditation, et chaque tâche que vous accomplirez deviendra une méditation. Et n'établissez pas de distinction entre les différentes sortes de tâches. Ne pensez pas « c'est un bon travail, c'est un mauvais travail ». Si vous traitez chaque tâche à égalité, n'importe laquelle profitera à votre sadhana. Pour que la grâce du gourou œuvre en nous, nous devons nous abandonner. Nous devons renoncer à toutes les choses de ce monde et de tous les autres mondes et porter toute notre attention sur le soi. Si nous désirons quoi que ce soit dans ce monde ou dans le suivant, notre énergie sera dispersée dans ces désirs et il nous faudra maintes fois nous réincarner pour les satisfaire. Abandonnez tous vos désirs, tous vos goûts et dégoûts, toutes vos préférences. S'il est vrai que vous êtes le tout, quelle partie de vous-même allez-vous aimer ou détester? Nous sommes toujours cela. Alors, demeurez en tant que cela. Vous ne connaissez ni naissance, ni mort, ni servitude, ni liberté. Il n'y a que la paix éternelle, libre de toute idée. Ce qui la dissimule, c'est l'idée « je suis le corps ». C'est ça qui doit disparaître. Chaque nuit, pendant que vous dormez, vous lâchez votre attachement au corps et au mental, et il en résulte le silence, la paix et l'absence de dualité. Vous pouvez vivre de la même manière durant l'état de veille si vous n'accordez pas foi aux pensées qui viennent créer la dualité en vous. Résistez aux pensées limitatives. Remplacez-les par d'autres tels que « tout est moi, chaque être humain est moi, tous les animaux, toutes les choses de la création sont moi. Ce que vous pensez, vous le devenez. Si vous comprenez que tout ce qui existe est vous-même, et si vous en faites l'expérience, comment pouvez-vous avoir des goûts et des dégoûts? Si tout est vous-même, le désir d'éviter quoi que ce soit et l'impulsion de pencher en faveur de quelque chose ne seront plus présents. Bhagavan m'a surveillé de très près pendant les années où je l'ai servi dans l'ashram. Un jour, je suis entré dans le temple de la mer où beaucoup de gens parlaient des choses de ce monde. Bhagavan m'a rappelé en me disant « Pourquoi vous mêlez-vous à cette foule? Évitez les lieux très fréquentés. Si vous suivez la masse, vous serez contaminé par ces vasanas. » Si vous comprenez le soi en étant le soi, tout vous apparaîtra en tant que votre propre soi. Aucun problème ne vous atteindra pendant que vous avez cette vision. Parce que vous êtes tout et que tout est le soi, vous n'aurez pas à opérer de choix entre ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Si vous mettez des lunettes vertes, tout ce que vous verrez sera teinté de vert. Si vous adoptez la vision du soi, tout ce qui sera vu sera le soi et rien que le soi. Vous visitez différents lieux de pèlerinage, mais en réalité, ce que vous cherchez, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas vous trouver par une démarche extérieure. Car vous êtes vous-même l'objet de votre recherche. Votre véritable nature est la paix. En oubliant cela, vous l'avez perdue et vous la recherchez dans le monde extérieur où elle est introuvable. Tant que vous vous accrochez à l'idée que vous êtes une personne à l'intérieur d'un corps, tout ce que vous verrez sera une manifestation de votre propre mental. Vous ne pouvez pas aller au-delà du mental en adorant vos propres projections extérieures. Toutes les apparences extérieures que vous voyez devant vous relèvent de la Maya. Fondamentalement, elles n'ont aucune réalité permanente. Découvrir le soi, pour trouver ce qui est vrai et réel, vous devez regarder en vous. Vous devez trouver la source, l'endroit d'où surgissent toutes ces projections mentales. Tout est votre propre soi. Ceci a une forme, cela en a une autre. Ceci est plus puissant, cela est pire. Voilà tous les jugements que vous portez lorsque vous voyez des objets séparés, au lieu de tout percevoir comme une unité indifférenciée, ce qui est la vraie vision. Il existe peut-être différentes variétés d'ampoules électriques, mais le courant qui les allume et les garde éclairées est le même. Vous devez apprendre à vous fondre avec ce courant générateur, le soi non manifesté, et à ne pas vous laisser duper par tous les noms et les formes qui se manifestent en lui. Toutes les informations et toutes les expériences accumulées par le mental sont de l'ignorance, de fausses connaissances. La véritable connaissance ne se trouve pas dans le mental ni dans un lieu extérieur. Le mental regarde à travers des lunettes de couleur qui teintent et altèrent tout ce qu'il voit. Si votre mental est impur et confus, le monde entier vous apparaîtra dans un état d'impureté et de confusion. S'il est limpide comme le cristal, tout vous semblera clair et paisible. Votre objectif premier doit être de réaliser le soi. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous passerez votre vie dans l'ignorance et l'illusion. Vous, votre mental et ce monde sont la Maya. Ne devenez pas l'esclave de cette Maya. Réalisez plutôt le soi et laissez Maya devenir votre servante. Celui qui cherche est également ce qui est cherché. Le chercheur et le cherché sont tous deux le soi. Si vous n'êtes pas capable de découvrir ce soi en vous, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Le chercher à l'extérieur, visiter les lieux saints, ne vous aidera pas. Beaucoup de gens rendent visite à des swamis, parcourent les temples et les lieux de pèlerinage. Vous ne récolterez aucun fruit en agissant de la sorte. Pour obtenir des résultats tangibles et durables, vous devez regarder en vous et découvrir le soi intime. Vous pouvez faire cela n'importe où. Vous trébuchez dans les ténèbres de votre mental sans savoir que vous avez une torche à la main. Cette lumière est la lumière du soi. Allumez-la. Éveillez à ce qu'elle reste allumée, et jamais plus vous ne trébucherez. Les sadhaks, les chercheurs spirituels, ne devraient travailler que pour subvenir aux besoins du corps. Essayez d'éviter les activités inutiles. Réduire son travail est une bonne chose. Consacrez tout votre temps à votre sadhana. Vous affaiblissez votre désir du soi en entreprenant toutes sortes d'activités superflues qui accaparent votre temps et conduisent à l'attachement. Vous pensez que votre vie n'a pas de fin et que vous pouvez remettre la méditation à plus tard. Avec ce genre d'attitude, vous mourrez dans les remords et non dans la paix. Si vous devez choisir une activité pour vous nourrir ou soutenir votre famille, alors faites-le. Mais restez constamment présent au soi lorsque vous travaillez en restant 100% concentré sur le soi. Vous êtes ce que vous pensez être. Vous devenez ce que vous pensez. Si vous pensez constamment au soi, c'est ce que vous deviendrez. Si vous vivez et mourrez en pensant à votre famille et à votre travail, vous renaîtrez avec davantage de préoccupations familiales et professionnelles. Si vous passez votre vie plongée dans des pensées matérielles, ce seront elles qui occuperont votre mental au moment de la mort. Mais si votre vie est dédiée à la sadhana, à la recherche d'une paix intérieure, alors ce sera l'état dans lequel vous mourrez. Vos pensées surgissent d'instant en instant en raison de vos vasanas, mais c'est une erreur de penser que vous ne pouvez rien en faire. Vous pouvez soit vous y intéresser, soit les ignorer. Si vous leur manifestez de l'intérêt, elles persisteront et vous serez pris par elles. Si vous les ignorez et gardez votre attention sur la source, elles ne s'installeront pas. Et si elles ne s'installent pas, elles disparaîtront. Rien de ce qui se passe dans le mental n'est vous, ni ne vous concerne. Ne l'oubliez pas. Vous n'avez pas à vous préoccuper des pensées qui jaillissent en vous. Il suffit de vous rappeler qu'elles ne sont pas vous. Quelles que soient les pensées qui se présentent, réagissez toujours de la même manière. Ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas. Qu'il s'agisse de bonnes ou de mauvaises pensées, traitez-les toutes ainsi. À qui viennent ces pensées? À vous. Cela signifie que vous n'êtes pas les pensées. Vous êtes le soi. Demeurez en tant que le soi et ne vous accrochez à rien d'autre qu'au soi. Soyez le soi. Soyez cette paix qui est votre réelle nature, et ce qui surgira n'aura aucune importance. Marchez, mangez, buvez, dormez, méditez, mais ne pensez jamais être l'auteur de ces actions. L'idée que c'est vous qui faites quoi que ce soit est ce qui vous empoisonne la vie, car une fois que vous le croyez, vous commencez à penser que vous devriez faire davantage pour améliorer votre sort. Pour goûter le nectar du soi, vous n'avez rien à faire si ce n'est de lâcher l'idée que vous faites quoi que ce soit. Si vous demeurez en tant que le soi, vous verrez le monde en tant que le soi. En fait, il n'y aura pas du tout de monde. Pas de monde, pas de Maya, pas de mental, aucune forme de distinction, tout comme l'état dans lequel on ne voit que le bois dans la sculpture de l'éléphant, ou bien les fils dans l'étoffe de couleur. Dans cet état, où l'on connaît le soi en étant le soi, disparaîtront les idées de vrai et de faux, ainsi que les choses à faire et celles à éviter. Vous aurez la connaissance que tout cela n'est que concepts mentaux. Vous aurez la connaissance que le mental est le soi, la servitude est le soi, que tout est le soi. Grâce à cette vision, rien ne vous asservira et rien ne vous rendra malheureux. Les dents et la langue sont deux parties de votre corps et elles travaillent en harmonie sans conflit ni friction. Lorsqu'il y aura la connaissance que le mental et le soi ne sont qu'un, il n'y aura ni lutte, ni tension, ni désir de juger ou d'atteindre. Pour réaliser cette harmonie, fixez votre mental sur le soi et gardez-le ainsi. Voilà la véritable méditation. Dans le sommeil, vous n'éprouvez ni attirance ni répulsion. Les nyanis et les nouveau-nés maintiennent cet état dans l'état de veille. Le mental d'un bébé est sain, celui d'un nyani aussi. Mais le mental qui pense « je suis le corps » est totalement corrompu. La pensée « je suis le corps » est juste aussi venimeuse qu'un cobra. Si vous savez que vous êtes tout ce qui existe, il n'y aura pas le désir de courir après certaines choses plutôt que d'autres. rien ne sera privilégié. Préférez-vous votre bras ou votre pied? Lequel désirez-vous le plus? Si votre corps est la totalité de l'univers, les attirances, les répulsions et les désirs seront absents. Le soi ne connaît ni naissance, ni mort, ni servitude, ni souffrance, ni jeunesse, ni vieillesse, ni maladie. Ces attributs appartiennent au corps et au mental fluctuant, et non au soi. Soyez le soi, et jamais rien de tout cela ne vous arrivera. Le gourou est en vous en tant que le soi, et à l'extérieur de vous, en tant qu'une forme physique manifestée dans le soi. En suivant les conseils donnés par le gourou incarné, vous découvrirez que le gourou intérieur et le gourou extérieur sont un et le même. Néanmoins, rares sont ceux qui parviennent à ce résultat par eux-mêmes. Si nous prenons l'eau d'un mirage pour réel, c'est de l'ignorance. Si nous prenons le corps irréel pour le soi, c'est également de l'ignorance. Dès que cette dernière se manifeste, nous devons la questionner en nous disant « En qui se manifeste cette ignorance ?» La ferme volonté de poursuivre ainsi l'investigation dissoudra tous les doutes. En posant la question « Qui suis-je ?» et en méditant constamment, on parvient à la limpidité de l'être. Lorsque vous reconnaissez que le serpent du mental n'a jamais existé et que la corde de la réalité est tout ce qui existe, vous n'êtes plus tourmenté par les doutes ni les peurs. L'acquisition de connaissances relève du domaine de l'éducation, mais pas de la sadhana. Voir que tout est un est la vraie vision, et contrôler les cinq sens du corps est la vraie sadhana. Ils doivent être contrôlés, et réussir cet exploit est un réel acte d'héroïsme. Aucune éducation traditionnelle ne peut vous y préparer. La véritable éducation consiste à réaliser le soi. Lorsque vous avez conscience de la conscience, il n'y a pas de dualité. Tout est inclus dans la conscience. Dans le sommeil profond, nous oublions le corps et le mental, mais la conscience reste toujours présente. Maintenant que nous sommes réveillés, le même état est présent. Il vous suffit d'abandonner toutes vos idées de séparation. Lorsqu'elles auront disparu, vous réaliserez que vous êtes tout ce qui est. Dans votre véritable nature, il n'y a que la conscience. Dans le sommeil profond, aucun nom, aucune forme ne se manifeste dans la conscience, contrairement à l'état de rêve et de veille. Lorsque vous regardez un morceau de tissu, vous remarquez ses attributs de nom et de forme, la couleur, le dessin, l'épaisseur, etc. Mais, en réalité, vous ne regardez que des fils. la nature sous-jacente de la conscience, qui équivaut au fil du tissu, et la paix.